de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Bond, son nom est Bond, James Bond. Et depuis 1962 et son affrontement avec le Dr No, c'est le cinéma qui a fait de ce héros de papier le maître étalon des histoires d'espionnage. Pour des centaines de millions de spectateurs, il aura pour toujours le visage de Sean Connery, celui de Roger Moore pour d'autres, ou les traits de Daniel Craig pour les plus jeunes. Mais plus d'un demi-siècle après la disparition de l'auteur, beaucoup ignorent peut-être que James Bond fut d'abord un héros de roman, né en 1953 de l'imagination de Ian Fleming. Contrairement au diamant, Fleming n'était pas éternel. Mort en 1964, il n'aura lui-même signé que 14 récits des aventures de 007, tous portés à l'écran. Son héros, dont les missions se déclinent aujourd'hui en jeux vidéo, lui a bien survécu. En 2015, Martin Kénéen proposait aux auditeurs de France Culture de se plonger dans la vie et l'œuvre de Ian Fleming par une passionnante analyse de la relation de l'écrivain, lui-même ancien des services secrets, avec sa créature, tombeur de dames et buveur de cocktails. Une vie, une œuvre, James Bond 007 contre Ian Fleming, par Martin Kénéen. Ah, monsieur, votre épouse a laissé un message. La dame anglaise vous a laissé ça ce matin. Merci. Merci. Fuis. Qu'est-ce passe-t-il? Vous voulez bien m'attendre ici? Je vais attendre dehors. C'est ça que je devais fuir. Vos Altesses Royales, Mesdames et Messieurs, nous allons porter un toast en l'honneur du marié et de la mariée, Monsieur et Madame James Bond. Félicitations, W07, et je vous confesse que parfois je vous écris un tantinet irresponsable. Et c'est bien ça, c'est exactement... Ian Fleming a commencé à écrire les aventures de James Bond juste avant de se marier et d'apprendre que sa future femme... était enceinte. Laurent Kay ici. Et face au spectre de la vie de couple et de la vie de père de famille, il s'est plongé dans l'écriture des aventures de cet alter ego, on peut le dire, parce que James Bond lui ressemble beaucoup. Il s'est donc plongé dans les aventures de cet alter ego, sans doute là aussi, comme son personnage, pour contrer l'ennui qui menaçait de l'envahir et de, là aussi, le tuer peut-être à petit feu. Ian Fleming a commencé à écrire... quand il s'est marié. Vincent Chenille. Alors qu'on sait que dès la période où il était dans les services secrets, il avait l'idée d'un roman d'espionnage. Mais après la guerre, il n'a pas commencé à écrire. C'est vraiment à partir du moment où il s'est marié, où il a cessé d'avoir de nombreuses relations sexuelles, qu'il a commencé à écrire James Bond. De toute façon, tu m'as fait un cadeau de neuf. Le meilleur que je puisse avoir. C'était un nouveau stimulant pour lui. Madame Bond. Il aura moins de maîtresse, mais il en aura encore. Il ne trouvera pas totale satisfaction avec son épouse. Oui, il m'aime. Je dirais qu'il devait être James Bond, lui. Marie-Hélène Bruce. Et que sa femme était la couronne d'Angleterre. Et qu'à côté de la couronne d'Angleterre, et fidèle à la couronne d'Angleterre, il pouvait tromper, sans la tromper... la dite couronne. Au fond, prendre du plaisir pour le plus grand bien de la couronne. C'est Blofeld. Ça va. Ça va, elle se repose. Elle se repose un instant. Nous partons tout de suite. Du point de vue vraiment du héros, rien je pense qu'un des moments définitifs du personnage, et d'ailleurs qui est aussi très très fort au cinéma, et ça n'a pas toujours été le cas, les liens comme ça entre les deux versions du personnage, ça reste quand même le moment où, juste après son mariage, l'épouse de Bond se fait tuer par un de ses ennemis du spectre, et où on découvre un Bond qui était prêt au bonheur, prêt à se ranger, même si on n'y croyait pas forcément, mais où le bonheur était atteignable enfin, et hop, il se fait enlever son avenir comme ça d'un simple coup de feu. Ça, c'est quelque chose qui définit assez bien le personnage et qui le fait rentrer, je pense, dans quelque chose de plus tragique, de plus... oui, de vraiment mythologique, quoi. Pour qu'il y ait une mythologie, il faut qu'il y ait sans doute drame, il faut qu'il y ait de la mort, mais pas forcément de la mort des ennemis. Et cette mort-là est vraiment très forte, je trouve, à mes yeux. James Bond, 007, contre Ian Fleming. Ian Fleming, au tout début de la guerre, est embauché pour être l'adjoint du patron des services secrets de la marine du Royaume-Uni. Et déjà, Fleming, pendant la guerre, c'est déjà comme s'il écrivait des romans d'espionnage, sauf qu'il les vit, mais sauf qu'il propose plein d'idées pour aider les hommes qu'il dirige et qu'il coordonne, pour les aider à mieux mener leur mission. Donc Fleming est un coordinateur, il sert de liaison notamment avec la CIA, il sert de liaison avec d'autres pays alliés. Et il monte aussi une unité d'élite, la 30e unité, qui est composée de soldats qui viennent de tous les horizons et qui compose une unité d'infiltration et de services de renseignement, mais adaptés au temps de guerre. C'est-à-dire qu'ils savent aussi bien se battre dans des combats vraiment durs, tout en maîtrisant des techniques d'espionnage assez poussées. Et c'est sans doute parmi les hommes de cette 30e unité que Fleming va chercher les modèles de James Bond. Il dira lui-même d'ailleurs que Bond est un mélange de plusieurs espions qu'il a connus. Et donc si Fleming dirige ces hommes, lui évidemment n'a jamais participé à des opérations, et même s'il est allé sur le terrain pour rendre visite à ces hommes, pour superviser les opérations de plus près, mais il n'a jamais pris part au combat et aux vraies missions. Fleming a quand même inventé des stratagèmes, des scénarios, des prévisions pour aider ces hommes à accomplir leur mission. Par exemple, il avait eu l'idée, pour tromper l'ennemi allemand, de s'emparer d'un bombardier allemand, de le remplir de soldats anglais qui parlaient allemand et de le faire s'échouer dans la Manche en espérant que les Allemands allaient sauver ces soldats qu'ils estimaient allemands et que ces hommes infiltrés allaient pouvoir s'emparer d'une machine Enigma, la machine à coder les codes secrets allemands pour les communications allemandes et ainsi allaient pouvoir casser le code Enigma. Donc il inventait déjà des scénarios de romans d'espionnage. Bond. James Bond. La nature des occupations du commandeur au ministère, qui, soit dit en passant, fut reconnu par son élévation en 1954 au grade de compagnon de Saint-Michel et Saint-Georges, doit rester confidentielle, voire secrète. Mais ses collègues reconnaîtront qu'il s'en est toujours acquitté de la manière la plus remarquable, et avec une extraordinaire bravoure, malgré son caractère impétueux qui le poussait parfois à se mettre en conflit avec ses supérieurs. Mais il était doué de quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle le coup de Nelson dans les moments apparemment désespérés. Et il était parvenu à sortir pratiquement indemne de nombreuses situations très risquées où l'avaient conduit ses missions. L'inévitable publicité donnée à ses aventures, en particulier dans la presse étrangère, avait fait de lui, contre sa volonté, une sorte de personnalité. Il en était naturellement résulté la publication d'une série de livres populaires écrits par un ami personnel et ancien collègue de James Bond. Si la qualité de ces livres ou leur véracité avait été supérieure, l'auteur aurait été certainement poursuivi en vertu de l'Official Secrets Act. On ne vit que deux fois. Le premier point, c'est que la relation entre les deux, c'est une construction spéculaire. L'un est construit par l'autre. Ce que je veux dire, c'est que probablement Ian Fleming a joué James Bond. Tout comme James Bond joue Ian Fleming. Non seulement Ian Fleming a joué James Bond en mettant des smokings et en buvant des cocktails, et en séduisant des femmes, mais les médias, parce que ce qu'on connaît d'Ian Fleming, c'est son existence médiatique largement, les médias l'ont construit ainsi. Mathieu Letourneux. Très souvent, dans la culture populaire, on construit le romancier à partir de son personnage. Il est évident que quand on a été espion et qu'on choisit d'écrire les aventures d'un espion, on s'incarne dans son personnage. Le séducteur, le jouisseur, le grand bourgeois ou l'aristocrate consommateur, le voyageur, tout ça, c'est Ian Fleming. Bond a beaucoup de points communs avec Fleming. Ils fument à peu près tous les deux entre 60 et 80 cigarettes par jour. Sauf que Bond, quand il a une mission, réduit un peu sa consommation de tabac. Alors Fleming, quand il écrit ses romans, doit sans doute continuer sur le même rythme. Ils consomment tous les deux énormément d'alcool. Ils ont à peu près les mêmes habitudes alimentaires. Même si Bond a un palais plus raffiné et Fleming se projette sans doute dans Bond et lui fait manger des plats que lui ne goûte pas forcément. Bref, tout ça pour dire que les deux personnages, Fleming et sa créature, ont beaucoup de points communs. Et oui, je pense que Fleming cherchait profondément au fond de lui-même à retrouver peut-être ce qu'il avait vécu pendant la guerre. C'est ici que vous avez grandi. À leur mort, vous aviez quel âge ? Vous connaissez déjà la réponse. Vous connaissez toute l'histoire. Les orphelins font toujours les meilleurs recrues. Et il y a aussi cette idée d'orphelin. Alors, Ian Fleming n'a pas été orphelin, mais il a perdu très jeune son père, mort à la guerre de 14. Et sa mère a voulu un petit peu se substituer au père défunt. Vincent Chenille. Et donc, par là même, il a perdu à la fois son père et sa mère par la même occasion. Donc, il y a une lecture qu'on peut faire figurer de l'orphelin, qui peut paraître un peu tiré par les cheveux, mais il faut savoir que Fleming a très tôt été sensibilisé à la psychanalyse. Donc, c'est pas anodin. Et on dit que justement, cette figure maternelle, pour Fleming, alors se substituant, si je rejoins votre analyse, Vincent Chenille, se substituant à la figure du père, était la seule personne qui l'effrayait vraiment. Oui, oui, oui, puisque donc la famille appelait la maman M, et on sait que M, ça a une traduction dans l'univers de James Bond, c'est le chef des services secrets, c'est l'autorité qui lui donne ses missions et qui souvent le malmène. Hein. Les discussions entre le chef M et James Bond ne sont généralement pas tendres. Donc effectivement, c'est l'autorité, tout à fait. Ça a été un poids, puisque cette mère lui reprochait de ne pas réussir assez bien dans la vie, lui reprochait aussi la compagne qu'il voulait choisir. Donc oui, ça a été un poids finalement, cette mère, même si à la base il l'adorait. Et donc il y a ces relations d'affection et de détestation qui existent entre James Bond et le chef des services secrets. Où étiez-vous encore fourré ? Je profitais de la mort. 007 au rapport, madame. Il n'y avait plus d'alcool là où vous étiez ? C'était quoi votre phrase ? Je vous dis de tirer, nom de Dieu. Il a bien fallu que je tranche. Vous auriez dû vous fier à moi pour finir le travail. Entre la possibilité de vous perdre et la certitude de perdre tous les agents de la liste, j'ai pris la seule décision viable, vous le savez parfaitement. Non, vous avez perdu votre sang-froid. Vous vous figurez que je vais implorer votre pardon à genoux ? Vous connaissez les règles du jeu depuis le temps que vous y jouez. Tout autant que moi. Depuis trop longtemps. Là, vous parlez pour vous. Alors, la femme idéale doit savoir faire la sauce béarnaise aussi bien que l'amour. Il faut aussi qu'elle soit douée de tous les petits talents de société habituels. Des cheveux d'or, des yeux gris, une bouche à damner un saint, un corps parfait, et naturellement, un grand sens de l'humour, de l'élégance et une dextérité convenable aux cartes. Il attend d'elle, encore, qu'elle ne commette pas d'erreur de parfum, comme la plupart des Anglaises, qu'elle sache s'habiller. Il adore les robes noires, surtout sur une peau bronzée, pas trop de bijoux, et des ongles exempts de vernis. Marie-Hélène Brousse. Avec ça, il ne doit pas y en avoir des masses, mais bon. Ça ne doit plus du tout être la femme idéale pour les adolescentes de 2015. Hein. Lui, il décrit... enfin bon, soyons clairs, c'est quand même un idéal de femme machiste. Hein. Il veut qu'elle lui fasse à bouffer, qu'elle fasse l'amour, et qu'elle le représente convenablement en société. C'est-à-dire qu'elle la femme de James Bond est formidable. Et elle fait désirer tous les autres hommes. Donc là, on retrouve le trait homosexuel du lien social masculin que Freud met en évidence. C'est tous les regards des autres hommes. Admettons qu'ils viennent à une soirée avec cette femme-là à son bras. Alors, tous les hommes convergent sur sa propriété, puisque quand même c'est sa propriété, et se disent, ce mec-là, une belle propriété. Et envisage donc de lui prendre. Il y a des choses amusantes. Tout est pour lui, quoi. Il pourrait aussi bien avoir une, vous savez, une poupée gonflable. Mais il faut qu'elle parle, puisqu'il faut qu'elle ait de l'humour. Mango, banana and tangerine, sugar and ackee and cocoa bean. When we get married, we make them grow, nine little child in a row. Alors, ce qui est marrant, c'est quand même, si on revient sur le premier film, Dr. No, elle ne correspond pas du tout à ça, Ursula Andress. Elle n'a pas de vernis, à mon avis. Elle est bronzée, d'accord. Mais elle n'a pas de robe. Côté savoir-faire et talent de société habituelle, ça n'a pas l'air d'être tout à fait ça. Et Béarnaise, ça m'étonnerait. Donc on peut sans doute construire... D'abord, se dire que la femme idéale qui se profile... je suppose que c'est James Bond qui a cette idée-là. Donc la femme idéale n'est pas forcément celle qu'il désire. Et probablement pas. Bravo Ian Fleming. Et par ailleurs, on pourrait peut-être construire une définition de l'homme idéal qui serait en regard, qui serait parallèle, et ça donnerait Adam et Ève au paradis du roman d'espionnage. Underneath the mango tree, my honey and me. Qui est là ? Rassurez-vous, en principe, je ne devrais pas être là. Vous non plus, d'ailleurs. Êtes-vous seul ? Que venez-vous chercher ici ? Des coquillages ? Non, je visite l'île. N'avancez pas ! Je promets de vous laisser vos coquillages. J'espère bien, c'est encore heureux. Oui. Restez où vous êtes ! Je vous assure que mes intentions sont tout à fait honorables. Et c'est vrai que l'image d'Ursula Andress avec sa ceinture... Elle pêche, n'est-ce pas? C'est une pêcheuse. À défaut de pêche. C'est pas une pêcheresse, c'est une pêcheuse. Elle pêche et il la rencontre comme ça, sortant de la mer, comme la Vénus de Botticelli, mais une Vénus sportive. Et une Vénus matinée de Diane. Ah, dites-moi, quel est votre nom? Ryder. Et votre prénom? Honey Ryder. Vous trouvez ça amusant? Non, du tout. C'est vraiment adorable. Et vous, votre nom? James. Alors, il y a un autre portrait de femme. Je ne sais pas si c'est dans celui-là. Non, c'est dans Bon baiser de Russie, où l'héroïne féminine est plus plate, si j'ose dire, à tous les sens du terme, d'ailleurs. Mais où il y a une figure de personnage féminin qui est l'Otelenia, la femme de Kurt Weill, qui joue une méchante espionne... Si bien que si dans le premier on a la sauvageonne versus Vénus de Botticelli, dans le second on a quand même la non moins sauvage versus les parcs quand même, versus les sorcières, les méchantes, les vieilles méchantes. Mais incontestablement il y a ces deux pôles quand même. Là. Bon, ben, c'est des variantes. De l'éternel féminin, essentiellement quand même sur le versant indomptable. Quoi qu'il en soit, je suis très heureuse de vous revoir, Monsieur Bond. Oui, c'est assez extraordinaire. Vous ne voulez pas quitter ces vêtements tout trempés? Vous risquez d'attraper un rhume mortel. Oui. Vous aimez la sauvagerie, Monsieur Bond, James Bond. Oh, sauvage. On devrait vous enfermer dans une cage. C'est une chose importante aussi de comprendre que dans les années 50 et 60, tout le monde intègre la libération sexuelle. Dès les années 50, en fait. On le voit, on sent que c'est déjà là. Les paperbacks, la culture du livre de poche populaire, le révèle en permanence. On sent qu'il y a une libération sexuelle, mais à cette époque, dans la culture populaire, on jouit de cette libération sexuelle et on la criminalise, on la pervertit. Et dans la série des James Bond, il y a ces deux aspects en permanence. C'est-à-dire, il y a la jouissance sexuelle et il y a la criminalisation à travers le modèle sadique. En fait, ça ne vient pas du fait que Ian Fleming est sadique, quand il punit par exemple les femmes, hein, il les viole toujours symboliquement. Ça vient du fait qu'à cette époque, la libération sexuelle et le désir est compliqué parce que la libération sexuelle dialogue en permanence avec la répression. Et en fait, dans le couple James Bond, son adversaire, on a une photographie d'une société qui gère mal ces transformations sociales et les transformations de ces rapports entre hommes et femmes. Mais bien sûr, j'avais oublié votre standing, monsieur Bond. James Bond, l'homme qui n'a qu'à faire l'amour à une femme pour qu'elle entende chanter tout à coup le cœur des anges. Elle se repent et sans plus attendre, elle revient sur la route du bien et de la vertu. Mais pas celle-là. Quel choc ce doit être pour vous. Vous avez essuyé un rude échec. Oh, on ne gagne pas à chaque fois. Sortez-le par la porte principale, allez chercher la voiture. Attention, monsieur Bond, ne faites pas de bêtises. Il y a quelque chose de monstrueux chez James Bond parce que il correspond à une transformation de l'idéal de la masculinité des années 50 et 60. C'est-à-dire l'idée que la masculinité va se transformer en se technicisant et en se féminisant, paradoxalement. James Bond exprime quelque chose de cette transformation. Il aime le luxe, et un luxe qui a quelque chose de féminin. Hein. Il aime les cocktails. Il ne boit pas du whisky comme le détective privé, il boit des cocktails. Il dort avec un haut de pyjama, mais pas de bas de pyjama, ce qui est quand même une façon de le féminiser. Hein. Et il ne s'agit pas de dire qu'il y a une homosexualité latente dans James Bond. Non, c'est la transformation de la masculinité à l'époque. La consommation, l'intégration des modèles de consommation correspond à une féminisation. Et en même temps, c'est un spécialiste du meurtre, c'est un homme d'action et c'est un technicien du meurtre. C'est quelqu'un qui vit dans un petit appartement, mais impeccable, luxueux et propre et fonctionnel. C'est quelqu'un qui vit dans une garçonnière, parfaite pour recevoir les femmes, mais fonctionnelle, parce qu'elle est tout entière tournée dans une fonctionnalité de la masculinité d'après la Seconde Guerre mondiale. Et pour Fleming, je pense que Fleming a senti cette transformation, mais elle lui est en un sens en partie étrangère. Et donc, la monstruosité de James Bond, sa solitude, sa technicité, son absence de sentimentalisme, elle correspond peut-être à ce nouveau modèle de la masculinité. Et l'association de l'érotisation et du professionnalisme définit quelque chose qui est un monstre froid, à la fois jouisseur, érotique et glaçant. Quand même, un point particulier, c'est qu'il est l'objet de nombreux scénarios masochistes, quand même. Découpé, menacé, s'en sort toujours, mais je me souviens d'une scène, je ne sais plus dans lequel c'est, où il est étendu sur une table, c'est vraiment un truc de un scénario de fantasme. D'ailleurs, c'est à ça que ressemblent le plus les livres de Ian Fleming, c'est à des fantasmes érotiques légers, érotiques light. Enfin, là, la scène, c'est il est étendu, et puis il y a une scie qui vise son entrejambe, et alors, suspense, est-ce qu'elle va lui scier cette partie importante de son anatomie? Eh ben non, il s'en sort. Mais il est passé près. Le mot de passe, je vous prie. Ça me gratte un peu. En dessous. Vous voulez bien? Sur la droite. Vous êtes un vrai comique, monsieur Bond. Oui. Maintenant, le monde entier saura que c'est en me grattant les couilles que vous êtes mort. Il me semble quand même qu'il y a plusieurs scènes dans Fleming où clairement Bond a un petit côté masochiste et où il nous fait part de son plaisir de recevoir un peu de douleur. Il y a notamment une scène qui est très bien retranscrite d'ailleurs dans l'adaptation ciné, une scène de Casino Royale où Bond est assis sur une chaise percée et où on le frappe avec une corde à nœud sur les parties génitales et où Fleming explique qu'il y a un moment où voilà, il faut s'abandonner à la douleur. Laurent Casey. Pour la supporter et qu'on parvient même à y trouver du plaisir. Et là, clairement, Bond est du côté masochiste. Et j'ai pas l'impression qu'il fasse preuve de sadisme dans ses aventures. Il fait du mal, certes, il tue, il blesse, mais il n'y prend jamais plaisir outre mesure. On le voit jamais se réjouir du malheur d'autrui, même quand il venge un de ses amis ou qu'il abat un ennemi et qu'il a fait énormément de mal. Il ne montre pas de plaisir excessif. Donc, masochiste, probablement, sadique, non. Ses mains et sa bouche étaient lentes, chargées d'électricité. Dans mes bras, son corps était tendre et fougueux. Il me dit ensuite que j'avais crié à un certain moment. Je l'ignorais. J'avais seulement conscience d'avoir sombré dans un gouffre qui s'ouvrait, un gouffre d'une exquise douceur, et que j'avais enfoncé mes ongles dans ses hanches pour être sûr de l'emmener avec moi. Puis, d'une voix endormie, il me dit des choses tendres, m'embrassa encore une fois. Son corps se dégagea et il resta étendu sans bouger. Je restai sur le dos, fixais des yeux les ombres rougeoyantes et écoutais sa respiration. Je n'avais jamais fait l'amour aussi complètement, avec mon cœur en même temps que mon corps. Cela avait été doux avec Derek, froid et distant avec Kurt. Maintenant, c'était autre chose. C'était ce qui n'arrive qu'une fois dans le cours d'une vie. L'espion qui m'aimait. On sait qu'il écumait pas mal les bars, hein, Fleming, quand il voyageait. Et donc, on a des notations sur les divers bars qu'il a fréquentés. Vincent Chenille. Mais il savait quels étaient les bons pour lui, en termes d'alcool, les plus purs, et ceux qui étaient moins bons. Il déjeunait au Café de la Paix, à la Rotonde ou au Dôme, parce que la cuisine lui paraissait convenable et parce que cela l'amusait d'observer les gens. Lorsqu'il avait envie d'un sérieux remontant, il allait le boire au Harris Bar. Le bar, c'est parce que l'alcool y était de première qualité. Ensuite, parce que lors de son premier séjour à Paris, à l'âge de 16 ans, il avait suivi les conseils du Continental Daily Mail et avait demandé au chauffeur de taxi de le conduire. Saint-Cloud de Nou. Cela avait été le point de départ d'une des plus mémorables soirées de sa vie, dont le sommet avait été la perte, pour ainsi dire, simultanée de sa virginité et de son portefeuille. C'est la nouvelle Bon Baiser de Paris. C'est essentiellement la seule nouvelle qu'il a écrite sur Paris, parce qu'il considérait que c'était pas une ville d'espionnage. Et effectivement, les coins qu'il arpente, point de vue gastronomique, c'est plutôt les halles. Il cherchait en fait des endroits où on pouvait servir des verres, comme en Angleterre ou aux États-Unis. Donc le Harris Bar, c'était très bien. Je vous sers à boire, monsieur. Qu'est-ce que tu bois ? Aucune idée, qu'est-ce que je bois ? Alors, pour faire un vesper, je vais vous prendre un verre à cocktail, légèrement rafraîchi. Un verre à mélange. Des glaçons. Un centilitre de vodka. Gilles Chauvin, barman au Harris Bar. Un centilitre et demi de Lillet. Quatre centilitres de gin. bien mélangé. Passer à la passoire. Et un beau zeste de citron. Bien exprimé. Et voilà. C'est le sixième. Impressionnant. Exquis, je te le recommande. C'est le Vesper, hein, parce que là, on est dans James Bond, c'est-à-dire que c'est très amer. Donc c'est ça, un cocktail James Bond. C'est, comme on dirait plutôt dans les tontons flingueurs, c'est plutôt une boisson d'homme. C'est du vermouth avec un alcool blanc. Et on voit tout de suite que c'est alcoolisé quand on boit, et c'est pas traître. Donc il sait qu'il peut doser sa consommation au long du repas. C'est la recherche d'un absolu à travers la pureté. Vous voyez, c'est presque limpide, hein, le verre. Il y a un côté quête d'absolu chez ce personnage à travers la nourriture et surtout la boisson. On sait que Fleming pouvait faire des kilomètres à Londres pour aller chercher le gin le plus pur, parce qu'on lui avait indiqué. Il y a ce côté-là un peu maniaque chez James Bond, c'est-à-dire il va chercher la perfection dans ce qu'il essaye de manger et de boire, et c'est une quête d'absolu. Mesure de la consommation hebdomadaire d'alcool du commandeur Bond. Résultat. Sa consommation hebdomadaire d'alcool est de 92 unités par semaine, soit plus de 4 fois le taux recommandé. Sa consommation quotidienne maximum est de 49,8 unités. Conclusion. Le niveau de consommation d'alcool de James Bond induit un risque élevé de maladie et de mort prématurée. Nous recommandons donc une réduction immédiate de sa consommation et suspectons que la fameuse phrase « au shaker, pas à la cuillère » est due à un tremblement alcoolique de ses mains. The British Medical Journal. Et ça, c'est faux. Ça, c'est faux parce que jusqu'à son dernier jour, Fleming s'exerçait au pistolet, surtout à la Jamaïque, hein, parce que là, il pouvait aisément tirer dehors. Et malgré cette consommation d'alcool, il tirait toujours droit. Sa main ne tremblait jamais, jusqu'au dernier jour. Alors, ce n'est pas le cas de tous les alcooliques, hein, mais le fait est qu'avec Fleming, c'est vrai. Si quelqu'un avait été promis 00, je le saurais, n'est-ce pas? Or, d'après votre dossier, vous n'avez jamais tué. Et il faut tuer. Deux fois. Ian Fleming, l'auteur de James Bond, est très influencé, Mathieu Le Tourneux, à mon avis, par deux sources majeures. Une source américaine, qui est celle de ce qu'on appelle les récits hard-boiled, c'est-à-dire les récits de détectives privés, le modèle se développant en particulier à partir des années 20, donc c'est l'âge des lectures de jeunesse, hein, de Ian Fleming. La caractéristique du récit hard-boiled, c'est de proposer des intrigues dans lesquelles le policier n'est plus le jeune homme lisse et parfait qu'était le détective avant la Première Guerre mondiale, mais c'est le fameux détective privé qui donne des coups de poing, qui boit de l'alcool, qui maltraite les femmes. Et en fait, James Bond est directement le descendant du détective hard-boiled. Hard-boiled, ça veut dire dur à cuire. Hein. Donc ça, c'est la première source. La deuxième source, qui est moins connue en France, mais qui est probablement plus importante encore, c'est celle de ce qu'on appelle en Grande-Bretagne, parce que c'est une tradition anglaise, les shockers, les récits choquants, enfin avec de l'action. C'est un courant qui se développe dans le domaine du roman d'aventure britannique et qui va se développer avec une figure qui est très intéressante, celle de John Buchan. John Buchan, qui était gouverneur du Canada quand même, ce n'est pas rien, et qui était un des premiers grands auteurs de romans qu'on appellerait aujourd'hui des romans d'espionnage, mais que lui considérait probablement comme des romans d'aventure, avec des récits aussi connus que les 39 marches. Donc les 39 marches, le prophète au manteau vert, etc., la centrale d'énergie, tous ces récits d'aventure de Richard Hannay, qui sont des récits d'espionnage, racontent entre, disons, la Première Guerre mondiale et ou même un petit peu avant, et les années 1920-1930, la situation géopolitique de la Grande-Bretagne dans ses colonies et dans ses relations aux ennemis de l'Angleterre, à commencer par les Prussiens, et on le soupçonne un petit peu parfois chez John Buchan, les Juifs. Et cette construction un peu paranoïaque d'une Angleterre menacée dans sa suprématie mondiale va prendre la forme de récits mettant en évidence l'existence de sociétés secrètes qui cherchent soit à entraîner des révoltes dans le Moyen-Orient, c'est le prophète au manteau vert, soit à entraîner l'anarchie pour réduire à néant l'Angleterre. Alors c'est intéressant parce que on voit bien que ce modèle est un modèle dans lequel on privatise les conflits, même si on exprime des conflits géopolitiques, on les privatise à travers des sociétés secrètes qui sont des sociétés floues et vaguement menaçantes, pour exprimer néanmoins les tensions et les peurs de l'époque. Et ça, ça me paraît tout à fait significatif de ce que sera le monde de James Bond pour Ian Fleming. Pour Ian Fleming, la source, elle est dans ces différentes généalogies. On pourrait en rajouter une dernière qui est majeure. C'est celle, précisément, du roman d'aventure britannique. D'un roman d'aventure géographique, celui de Rider Haggard, celui de Talbot Mundi, etc. Hein. Un roman d'aventure géographique dans lequel le monde est aux mains de gentlemen qui circulent, qui voyagent, qui vivent ce qu'on a appelé vraiment dans la géopolitique britannique le grand jeu, c'est-à-dire une idée de géopolitique menée par quelques hommes qui sont un peu des aventuriers, qui voyagent, qui sont un peu des marginaux mais des aristocrates, et qui sont des gens qui circulent, qui aiment l'aventure, qui n'aiment pas la société policée, et qui vivent finalement la politique, la géopolitique, comme un sport, comme une sorte de scoutisme grand format. Allô New York, le 323 Pan American vient de se poser à Kingston, Jamaïque. Taxi. Monsieur Bond, je crois. Oui. Je suis Monsieur Jones, le chauffeur du palais du gouverneur. Je viens vous chercher. Parfait, Monsieur Jones. On déposera les bagages à l'hôtel en passant. Une minute, voulez-vous? Je veux vérifier la réservation. Laissez, je vais y aller. Non, non. Prenez mes bagages, voulez-vous? Donc si James Bond, si l'agent secret tel que James Bond apparaît, c'est que pour Ian Fleming, et probablement pour ses contemporains, sinon il n'aurait pas eu de succès, le monde est devenu illisible. Pourquoi est-ce qu'il est devenu illisible? Dans l'entre-deux-guerres, l'Angleterre sait bien qu'elle n'a plus la suprématie, que les États-Unis maintenant sont devant elle, mais en Europe encore, elle correspond à cet imaginaire de la suprématie. Et une suprématie sur le long terme, qui l'invite à mettre l'accent sur un modèle aristocratique, c'est-à-dire un modèle de pérennité d'une suprématie mondiale. Cette suprématie, elle est assurée par la puissance coloniale britannique et sa puissance économique. L'Angleterre a été ruinée par la Seconde Guerre mondiale. Elle sait bien qu'elle ne gardera pas ses colonies. Elle est la première à l'avoir compris. La France a mis beaucoup plus de temps, mais l'Angleterre l'a compris très vite. Le monde que décrit Ian Fleming, c'est un monde dans lequel les colonies ne sont plus de même nature. Ce sont des lieux de villégiature pour une aristocratie qui est devenue une aristocratie décadente. Non pas décadente parce qu'elle est en train de s'effondrer, mais décadente parce qu'elle obéit désormais à un modèle capitaliste. Ce sont des gens qui vont faire du ski, qui vont sur des yachts, etc. Le monde de James Bond, c'est le monde d'une Angleterre aristocratique et superpuissante qui découvre qu'en réalité, désormais, elle est marginale au niveau géopolitique. Les États-Unis et la Russie gouvernent le monde. Son modèle est désormais dominé par un modèle capitaliste et l'aristocratie n'agit plus que comme des grands bourgeois. Et donc, à partir de là, on parle des transformations sociales. Et en particulier, on instille des valeurs qui sont des valeurs consuméristes, des valeurs populaires finalement. Le paperback, hein, la consommation de livres de poche populaires, ce qu'est James Bond, hein, c'est un livre de poche populaire. Eh bien, cette consommation, c'est une consommation qui n'est même pas bourgeoise, qui est petite bourgeoise, qui est de classe moyenne même. Et James Bond est probablement une des premières figures qui témoigne de ce glissement vers le modèle dominant aujourd'hui, c'est-à-dire celui du people. Le people, c'est des grands bourgeois qui se comportent comme des classes moyennes. À peine deux ou trois fois par an se présentait-il une mission exigeant les aptitudes spéciales de Bond. Le reste de l'année, il se la coulait douce, en brave chef de bureau d'une quelconque administration. Heures de bureau très souples, entre 10h et 6h. Déjeuner, la plupart du temps à la cantine. Dans la soirée, partie de cartes avec quelques bons amis ou réunion chez Crockford, ou encore séance de jambes en l'air, pas très passionnée, en compagnie de l'une des trois femmes mariées de sa connaissance. Le week-end, il jouait au golf pour de gros enjeux dans l'un des clubs des environs de Londres. Moonraker. Je pense que le fond du problème, c'est qu'il y a quelque chose chez Ian Fleming qui est réactionnaire. Il ne s'agit pas de politiser la notion de réactionnaire comme on le fait aujourd'hui, mais il s'agit de comprendre qu'il est face à un monde qui se transforme et il réagit. Il réagit, donc il est dans la réaction. Et James Bond représente les valeurs de l'occidental anglo-saxon face à des modèles de transformation qui sont associés à des figures exogènes du chaos. Le capitalisme d'argent, c'est-à-dire en un sens, en effet, les stéréotypes de la judéité, puisque ça a toujours été associé à ça. L'exotique, l'étranger, c'est-à-dire les stéréotypes de la mixité, du métèque. Et puis, le communisme international. Donc, tous les modèles d'internationalisme et du complot. Donc, je ne sais pas si c'est véritablement des opinions antisémites, anticommunistes, même si il y en a probablement un petit peu, mais il y a un syncrétisme et une façon de reprendre des imaginaires construits sur le long terme. Allez-vous nous dire qui vous emploie ? Vous n'avez aucune idée de ce que nous représentons ? Parce que nous, dans notre coin, on se dit « Oh, le MI6, la CIA, ils nous suivent à la trace, ils écoutent tout ce qu'on dit, alors qu'en vérité, vous ignorez jusqu'à notre existence. » Nous ne l'ignorons plus, Monsieur White. Nous apprenons vite. Vous m'en direz tant. Bien, alors, avant tout, vous devez comprendre que nous avons des hommes absolument partout. N'ai-je pas raison ? La culture populaire, depuis son origine, depuis le début du 19e siècle, joue sur l'idée d'un monde caché. D'un monde caché que le roman, puis plus tard le théâtre, le cinéma, etc., un monde caché qu'on pourrait montrer dans des fictions populaires. L'idée, c'est que les bas-fonds étaient un monde caché. Les sociétés secrètes, la franc-maçonnerie, les jésuites, etc., étaient des sociétés secrètes qui contrôlaient le monde, le capitalisme, etc. Progressivement, cet imaginaire de la ville, c'est un imaginaire qui naît au XIXe siècle autour de la question de la ville, va se transformer pour devenir un imaginaire géopolitique international, et il va se maintenir jusqu'à aujourd'hui. On voit bien aujourd'hui que dans les discours, par exemple, sur la cybercriminalité, dans les discours sur la mafia, dans les discours sur le terrorisme, on a encore pérennisé cet imaginaire des sociétés secrètes qui naît, pour le dire grossièrement, avec Eugène Sue et les mystères de Paris. C'est une question fondamentale et elle permet de décrire deux choses. À la fois les transformations de la société, les transformations des terreurs, et en même temps la pérennité des structures mentales, des imaginaires qui construisent ces terreurs. Quel est le fondement de ce discours sur l'idée qu'il y a une société secrète ou des groupes cachés qui mèneraient le monde à sa perte ? L'idée fondamentale, c'est que quand on bascule dans une culture médiatique, eh bien on n'a plus accès à la réalité que de façon médiatisée. On a accès à la réalité par la presse. Et donc, on a quelque chose qui nous permet d'accéder au monde, mais qui est entre le monde et nous. On nous dit qu'il y a des sociétés secrètes, on nous dit que ces sociétés secrètes sont plus ou moins criminelles, et en procédant de cette façon, on nous dit, finalement, face au monde moderne, nous n'avons plus accès immédiatement à la compréhension. Nous avons des pistes qui sont médiatiques et qui sont toujours sous le soupçon, parce qu'on n'a pas confiance dans les médias. Et donc, nous accédons au sentiment qu'il y a quelque chose de caché, mais nous n'accédons pas au sentiment de ce qui est caché. Et donc, quand on présente le SMERSH, ou le spectre, comme Ian Fleming, quand on présente des sociétés complètement délirantes, avec des personnages qui ont trois tétons, qui ont des armes complètement débiles, comme de la peinture d'or pour tuer les gens, ou un pistolet avec des balles en or, on nous dit tout à la fois, il existe des sociétés, il existe des gens qui maîtrisent les codes, qui ont les armes, qui ont les explications, mais on nous dit en même temps, je vais vous expliquer ce qui est caché, mais je vais vous expliquer que vous avez le sentiment qu'il y a quelque chose de caché. Donc, dans James Bond, pour Ian Fleming, il ne s'agit pas tant de dire « je vais vous expliquer le monde », il s'agit de dire « je vais vous expliquer que le monde est incompréhensible ». Et ça, à mon avis, c'est un des traits caractéristiques fondamentaux de la culture populaire, de nous expliquer tout à la fois le monde et finalement que ce qui importe, ça n'est pas de comprendre le monde, c'est de comprendre qu'il est incompréhensible. Francisco Paco Pistol Scaramanga. Description du personnage. Âge environ 35 ans. Taille 1m90. Svelte, mais de bonne constitution. Yeux brun clair. Cheveux roux et coupés en brosse. Longue cicatrice de brûlure sur les côtés. Visage maigre et sombre avec fine moustache brune. Oreilles très collées à la tête. Ambidextre. Main grande, puissante et irréprochablement manucurée. Signe distinctif, un troisième tétin à environ 5 cm sous le sein gauche. Nota bene, dans le culte vaudou et dans les cultes apparentés, ce troisième tétin est un signe d'invulnérabilité et de grande virilité. Insatiable amateur de femmes, sans discrimination de race. A invariablement des rapports sexuels peu de temps avant de tuer, car il croit que cela améliore son coup d'œil. L'homme au pistolet d'or. Alors, pour faire une généalogie littéraire des méchants chez James Bond, il convient d'abord de les décrire, pour comprendre d'où ils viennent. Il y a une caractéristique des conflits dans James Bond par rapport aux autres romans d'espionnage, qui sont contemporains ou postérieurs. Avant James Bond, il y a par exemple en France Pierre Nord ou OSS 117, hein, qui sont plus anciens que James Bond. Mais la spécificité du roman d'espionnage chez Bond, c'est que, précisément, il est assez peu rationnel dans sa description du monde. Ailleurs, on va vous dire qu'il y a des conflits entre la Russie et les États-Unis. On va vous dire, ou alors, qu'il y a des problèmes de décolonisation, parce que ce sont les obsessions du temps. Chez James Bond, il y a le smersh et le spectre. Et bien plus, ce qui est le signe quand même de la conception du monde, il y a le smersh puis le spectre. C'est-à-dire, il y a une société secrète délirante, mais soviétique, puis une société secrète délirante, mais criminelle et vague et floue. Ce qui est bien la preuve qu'il y a une volonté de dépolitiser le monde chez Ian Fleming, et donc de le rendre fantasmatique. Du même coup, le monde appartient à des sociétés secrètes délirantes qui ne correspondent pas à des modèles réels, même si ça correspond à une vision de la complexité du monde, et il est dominé par quelques criminels, une poignée de super criminels. Et ça, c'est intéressant parce que cette façon de concentrer finalement la violence internationale, la violence du monde, dans quelques figures, c'est une façon de procéder qui a sa généalogie. Elle remonte en réalité au début du XXe siècle. Il y a quelque chose de bizarre qui se produit au début du XXe siècle. Il y a l'apparition de supercriminels. En France, ça sera Fantomas. En Grande-Bretagne, un tout petit peu après Fantomas, et probablement inspiré par lui, ça sera Fu Manchu. Donc le danger de Fu Manchu comme supercriminel exotique, pour le coup, il est tout à fait à l'origine de l'imaginaire de James Bond. Donc, on comprend que, à partir de là, que le criminel est souvent une figure cosmopolite, c'est-à-dire à la fois un métèque, un juif, quelqu'un de louche, qu'il est aux mains tout à la fois du capitalisme et de quelque chose qui ressemble à l'anarchisme ou au communisme, c'est-à-dire qu'il veut le chaos dans le monde, mais en même temps, il veut l'argent. Et puis, comme on est dans un conflit qui passe par une logique de simplification, d'extrême simplification, hein, simplification des conflits, simplification du monde, etc., eh bien, tout ça est incarné dans une psychologie. Incarner les conflits dans la psychologie, ça permet de simplifier parce que le psychologique est une façon de réduire à un individu le politique, le social et l'économique. Et donc, c'est un pervers, c'est un monstre, il est toujours laid. Et même quand il n'est pas laid, il a quelque chose de monstrueux. C'était l'exemple des trois tétons que j'avais donné précédemment. C'est l'exemple des dents étranges. C'est l'exemple de tous ces traits monstrueux. Monstruosité physique, qui renvoie évidemment à une monstruosité sexuelle. C'est un pervers. Il y a une bonne sexualité de la révolution sexuelle qui est incarnée par James Bond. Hein. Et il y a une mauvaise sexualité du pervers qui est incarnée par son adversaire. Les deux se répondent. Et puis, sa perversion sexuelle correspond à une perversité morale. C'est-à-dire qu'il est moralement indéfendable. C'est tellement forcé le trait que personne ne peut y croire, un truc pareil. C'est d'ailleurs pas fait une littérature qui s'intéresse de près ou de loin au vraisemblable. Donc non, c'est pas ça. Moi, au contraire, j'aurais plutôt tendance à trouver comme intérêt au livre de Ian Fleming l'espèce de typification, de réduction à un trait d'un personnage, c'est-à-dire à faire presque mourir le personnage, l'idée même d'un personnage. Il n'y en a plus. James Bond n'est pas non plus un personnage. C'est une coquille vide, enfin, personne ne peut croire à une quelconque authenticité, profondeur, humanité de ce type. On peut en être séduite, ou séduit, mais c'est certainement pas sur ce trait-là. Donc moi, ce que j'apprécie plutôt chez lui, c'est le côté, on enlève tout le pathos, du genre division subjective, et on se retrouve avec des personnages qui sont comme des marionnettes, c'est-à-dire épinglés sur un trait. Alors il y a le comme ci, le comme ça, le pervers, le pas pervers, le pauvre type. Et puis il y a James Bond qui est à la fois tout ça, mais qui s'en sortira toujours. Salut James, et bienvenue. Est-ce que l'île te plaît? Si tu le voulais, tu pourrais choisir tes propres missions secrètes. Comme moi, quoi. Ce que tu veux. Déstabiliser une multinationale par de la manipulation d'actions? Bip, facile. Bloquer les transmissions d'un satellite espion qui survole Kaboul? Exécution. Truquer une élection en Ouganda? Le tout au plus offrant. Sans compter une explosion de gaz à Londres. Juste un petit clic. Et on a tous besoin d'un hobby. C'est quoi le tien? La résurrection. Est-ce que vous avez parmi tous ces adversaires un méchant fétiche, Vincent Chenier? Un méchant fétiche? Ah bah, il y en a un qui est important, c'est Blofeld, puisqu'il revient à 3 reprises dans les romans. Et ce qui n'est pas anodin, c'est que Blofeld est né le même jour que Ian Fleming. Et combien de centaines de millions exigez-vous pour vos services, cette fois-ci, Blofeld? Cette fois, le prix est d'un tout autre genre. Ça va bien vous amuser quand vous le connaîtrez. Entre-temps, je vous garderai ici en tant qu'hôte. Vous me serez d'un grand secours pour convaincre les autorités que ce que je dis est vrai. Donc ça indique un petit peu la relation qui pouvait exister entre Fleming et son personnage. C'est-à-dire qu'il est à la fois James Bond, mais il est aussi Blofeld. Et James Bond est là pour éliminer Blofeld. Donc, ce qu'il attendait de James Bond, c'est qu'il le sauve de ces périodes de déprime. James Bond est né de ça, c'est-à-dire à la fois d'un contexte géopolitique, celui de la guerre froide, bien sûr. C'est-à-dire il faut lutter contre un ennemi qui menace l'Occident, mais aussi il faut lutter contre soi-même. Et soi-même, c'est à la fois... Fleming qui se retrouve dans James Bond et dans Blofeld. Donc c'est un combat à la fois stratégique et intérieur, même s'il est figuré sous la personne de monstre, parce que les méchants comptaient un côté monstrueux qui n'est pas totalement réel. Donc voilà, ce sont des chimères et contre lesquelles il faut lutter. Très difficile de décrire Blofeld puisqu'il change de visage dans les 3 romans, et donc le cinéma a pris l'habitude de le voir en chauve à Colmao, mais c'est pas du tout comme ça qu'il est dans les romans, et donc justement le fait qu'il ait 3 physionomies montre que le mal incarné, on ne peut pas le déceler aussi facilement. Je vous parlais des monstruosités, justement c'est le fait qu'il ait plusieurs visages qui est monstrueux dans le personnage de Blofeld. Who are you? My name is Bond. James Bond. Who are you? Bond. James Bond. Thank you, mister. The name's Bond. James Bond. Good evening. My name is Bond. James Bond. On a pu montrer, c'est Tony Bennett qui a montré ça, que chaque nouvel acteur incarnant James Bond au cinéma correspondait à une transformation des représentations des classes sociales en Grande-Bretagne. On a pu dire, par exemple, que Sean Connery, qui était trop populaire pour Ian Fleming. Ian Fleming le trouvait trop populaire. Il avait été maître nageur, c'était pas le modèle bondien tel que l'imaginait Ian Fleming. On a pu dire que Sean Connery correspondait à justement la gentrification des petits bourgeois, c'est-à-dire le fait que de plus en plus, on allait sur la Côte d'Azur, même quand on n'était pas très riche, de plus en plus on pouvait aller au ski, etc. On a pu dire par la suite que Roger Moore incarnait exactement le contraire. C'était Roger Moore, c'est l'aristocrate. Il a toujours été une figure d'aristocrate, mais un aristocrate qui se comporte comme un petit bourgeois des classes moyennes, c'est-à-dire que vraiment, quand il voit passer une jolie fille, il hausse un sourcil et il regarde ses fesses. Quand le soir, il fait des plaisanteries salaces, il se comporte vraiment comme un beauf au Club Med, en réalité, mais avec beaucoup d'argent et dans des lieux qui sont des lieux grands bourgeois. Et puis, on pourrait montrer de la même façon que Timothy Dalton, pourtant acteur shakespearien à l'origine, Timothy Dalton correspond finalement au début du modèle reaganien de la société, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui désormais a complètement abandonné le modèle aristocratique et a intégré les codes du libéralisme économique. Et on pourrait continuer ainsi jusqu'au bout, acteur après acteur. Bond, je ne peux pas demander à un bulldozer de comprendre ça, mais l'arrogance et l'introspection font rarement bon ménage. Vous voudriez que je me fasse mi-tueur, mi-moine ? Tout voyou peut tuer. Je ne veux plus que votre ego fasse partie de l'équation. Bond ? À l'avenir, ne forcez plus ma porte. Madame. Daniel Craig, c'est un personnage compliqué par rapport au précédent, parce que si Pierce Brosnan jouait encore avec cette articulation entre le modèle aristocratique et le modèle petit bourgeois, Daniel Craig, c'est le premier, et il a été présenté comme ça, le premier à imposer un retour aux sources vers le personnage de Ian Fleming. À mon avis, en réalité, il ne correspond pas du tout à un retour aux sources. C'est une lecture anachronique du modèle de Ian Fleming, parce que, précisément, il correspond à un refus du modèle aristocratique qui pourtant était présent chez Ian Fleming, mais à une époque où c'était un modèle compliqué. Ce que Daniel Craig réintègre de façon massive et qui est fondamental dans James Bond, c'est le modèle hard-boiled, c'est le modèle du dur à cuire. Il le porte sur le visage, et ça, c'est réintégré de façon violente. Daniel Craig, c'est un retour à une fiction d'action, à un cinéma d'action d'avant les effets spéciaux. C'est un personnage qui est physique, qui se bat et qui évacue le trop-plein d'effets spéciaux. Et donc, il représente une authenticité du cinéma d'action. Et son côté hard-boiled, c'est peut-être l'expression de ça. Comme c'est un trait, comme c'est une image, il est vrai qu'après, les différents interprètes l'ont habité. Sean Connery l'habillait de deux choses, enfin au moins de deux choses, d'un sex appeal, c'est-à-dire d'un goût, du désir, on va dire. Ça, il présente ce type comme un homme de désir. Et puis aussi, il l'habillait de l'humour. Et puis après, j'ai pas trop suivi, il y en a un que c'était vraiment un morceau de viande, il faut bien le dire. Et puis après, il y a eu un autre qui était très très plat. Et puis il y a le dernier, Daniel Craig. Alors Daniel Craig, moi ce qui me frappe, c'est plutôt qu'il ressemble à Poutine. Alors peut-être que Poutine est déprimé, j'en sais rien. C'est vrai qu'il a le regard un peu triste. Donc si on le compare à Sean Connery, le désir est parti. Et il ne reste plus que l'agitation, la fuite en avant dans l'action. Autrement dit, le passage à l'acte comme remède à l'absence de désir. Et une sorte de vide. Mais là où Sean Connery, on pouvait supposer qu'il y avait une petite dimension par l'humour de division subjective, chez Craig, non, elle n'y est plus. L'action renvoie au vide derrière l'action. Peut-être que ça interprète plutôt l'époque que ça n'interprète le personnage. James Bond 007 contre Ian Fleming. Allô ? Monsieur White ? Il faut qu'on se parle. Qui est à l'appareil ? Avec Marie-Hélène Brousse, psychanalyste. Vincent Chenille, auteur de Variations sur le James Bond thème chez L'Harmattan. Mathieu Letourneux, auteur de Le monde ne suffit pas. Dans James Bond 2007, chez Belin. Laurent Casey, auteur des nombreuses vies de James Bond chez les Moutons Électriques, et Gilles Chauvin, barman au Harris Bar à Paris. Je m'appelle Bond. James Bond. Lecture, Éric Herson-Macarel. Prise de son, Raymond Albouy. Mixage, Cédric Châtelus. Un documentaire réalisé par Doria Zénine et signé Martin Kenner. C'était Une vie, une œuvre, James Bond 007 contre Ian Fleming, une émission proposée par Martin Kenéen, diffusée la première fois le 5 septembre 2015 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr. You can depend on me too.